FrenchPod.com. Tu sens ça? Oui, il y a quelque chose qui brûle, non? Oh mon Dieu, il y a le feu! Appelle les pompiers! D'accord, je compose le 18. Attends, t'as pas oublié le gratin dans le four? Le quoi? Oh non, mon gratin dauphinois!